Bon les gars là, vous êtes sur la bonne voie de réinsertion. Alors un peu de pêche là, hein. Oh! On est allé à la morgue, voir s'il y avait pas des crevés, des crevés. À la morgue avec une place, qui se faisait lécher les pieds, lécher les pieds. Pour son ventre, les décibels, on aurait dit les épinards. Il aurait fait croire sur son dos, les asticots avaient gravé ses derniers mots. Et oh.